Avec Audiolib, Véronique Olmy lit son nouveau roman. Une lecture intime, la chronique d'une époque. Mai 68, tu croyais que c'était quoi ? Tu te souviens seulement que maman faisait des réserves de sucre et qu'on trouvait plus d'essence ? Mais le monde se réveille, Hélène ! Une voix juste et puissante. Les évasions particulières de Véronique Olmy, disponibles en librairie et sur audiolib.fr. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'œuvre de Joseph Kessel pose la question des frontières entre le journalisme et la littérature. À la fois reporter et romancier, il a flouté les limites entre ces deux genres, ne voyant pas pourquoi il faudrait à tout prix de la froide objectivité journalistique pour dire les soubresauts du monde, ni comment la littérature pourrait ne pas être liée à la grande histoire en train de se faire. Il a flouté également la frontière entre sa vie et son travail, puisque ses aventures personnelles ont inspiré ses articles, qui ont ensuite inspiré ses romans. Il a d'ailleurs cherché à faire de sa vie un roman, comme nous allons le voir tout au long de cette série d'émissions qui va nous conduire jusqu'à jeudi. Et jeudi, ce sera l'écrivain et journaliste Olivier Weber qui viendra nous parler de la foi chez Kessel ainsi que de sa suite romanesque Le Tour du Malheur. Mercredi, avec l'historienne Dominique Missica, nous évoquerons les reportages de Kessel qu'elle publie chez Taillandier, maison d'édition dont elle est directrice éditoriale. Nous parlerons également avec elle de l'amour entre Kessel et Germaine Sablon, à qui Dominique Missica a consacré un livre Au Seuil en mai dernier. Et puis demain, nous nous attacherons à faire un panorama de l'œuvre. Ce sera avec Serge Linkès, qui a édité les œuvres complètes de Kessel, parues cette année dans la bibliothèque de la Pléiade. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Joseph Kessel, nous sommes avec Gilles Heuret, grand reporter et écrivain, un peu comme Kessel lui-même, dont il a dirigé l'édition Quarto Gallimard, qui regroupe un grand nombre de ses romans et reportages. Cette année, il a aussi rédigé l'album Kessel, qui accompagne les deux volumes de ses romans et récits dans la bibliothèque de la Pléiade, sous le contrôle, pourrait-on dire, de son biographe officiel, Yves Courrière, qui fut également son ami, à qui l'on doit une biographie de plus de 1500 pages que l'on peut trouver dans la collection de poche, l'abeille plomb. Allez, bienvenue à tous dans une compagnie des œuvres consacrée, vous allez l'entendre, à un écrivain chanceux. Les coups de chance que j'ai eu d'être entouré constamment d'une amitié et familialement d'une tendresse et d'un amour qu'on rencontre peu, même au lycée, d'avoir eu un professeur qui s'appelait Hubert Moron, qui m'a d'ailleurs fait entrer au débat, qui m'a ouvert les yeux d'une façon magnifique sur la littérature et sur même la vie. Ensuite, arrivé dans une escadrille dont le capitaine était un merveilleux camarade, j'essaie de le peindre de mon mieux dans l'équipage. Enfin, toute une suite de chances. Avoir son premier livre édité tout de suite, son second livre être un grand succès, qui permet de voyager, de vivre un peu plus pour écrire, enfin tout le temps. Et les coups de chance, alors, au point de vue danger, les avions qui s'écrasent, qu'on doit pendre et qu'on ne pend pas pour une telle raison et qui s'écrasent, et l'évacuation de Dunkerque, j'ai failli flamber, enfin mille histoires. Joseph Kessel au micro de Jacques Chancel, c'était le 15 juin 1970. Bonjour Gilles Heuret. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous. On l'a entendu dans cette archive, c'est une vie bien remplie, la vie de Joseph Kessel, une vie plutôt exceptionnelle même. Ben plutôt exceptionnel parce que c'est un homme qui a franchi toutes les frontières, hein, de l'Atlantique à l'Oural, c'est le cas de le dire. Hein. Et même plus. Et même plus, il est né en Argentine, il est reparti en Russie, il est revenu en France et puis ensuite il a fait, dès le sortir de la guerre, il a voyagé dans le monde entier. Mais faut imaginer que cet homme-là, il a publié un premier article au Journal des Débats, il avait 17 ans, ensuite il a fait quand même la Première Guerre mondiale. Dans l'aviation, il a fait à peu près 150 missions sur des avions qui étaient des petits coucous, hein, en toile. Et puis ensuite, il est reparti en Irlande. Il a fait son grand reportage en Irlande sur la guerre civile, alors qu'il ne connaissait pas grand-chose de l'Irlande. Et c'est ça qui est intéressant chez lui. Si vous voulez cette très belle nouvelle, Marie de Cork. Marie de Cork, voilà. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir si dans les écoles de journalisme, d'ailleurs, on fait lire du Kessel, parce qu'il écrivait comme on n'écrit plus du tout maintenant. Hein. Il partait aujourd'hui, quand on part en reportage, on essaye de se documenter. Lui, c'est pas ça du tout. Sa documentation, c'était sur place, c'était les gens qu'il rencontrait. Et quand, dans l'extrait qu'on vient de rencontrer, quand il parle de chance, oui, il a eu la chance de rencontrer des personnages absolument exceptionnels, y compris d'ailleurs des gens anonymes dont il devinait qu'il pouvait être exceptionnel à un moment donné dans certaines circonstances. Mais alors, il aurait pu mourir 1000 fois. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a en lisant ces... Oui. Bah, quand il a pris, bien sûr, dans la Première Guerre mondiale, quand il a été aviateur, ensuite, quand il a fait la ligne sur laquelle il a écrit beaucoup de reportages. Et puis, la ligne Casablanca-Dakar. Absolument. D'ailleurs, récemment, à la télévision, sur une chaîne, ils ont repassé Au Grand Balcon, dont il a été le scénariste et le dialoguiste. Et effectivement, à l'époque, c'était vraiment des aventuriers. Hein. De la même façon qu'il a écrit sur Jean Mermoz, qui, pour lui, était un héros quand il est parti sur la cordillère des Andes. Et alors, il évoque Dunkerque, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que il dit toujours que la guerre l'a toujours fasciné. Il a toujours aimé l'aventure, mais il a toujours aimé la guerre aussi. Et sur Dunkerque, sur l'épisode de Dunkerque, il dit qu'il a eu la plus grande trouille de sa vie, hein, je cite ses mots, mais qu'en même temps, il trouvait le spectacle absolument merveilleux. Comme beaucoup d'écrivains qui ont fait la Première Guerre mondiale l'ont dit, le plus célèbre est Ernst Jünger. Oui, absolument. Alors sur Dunkerque, il aurait pu croiser Aragon, par exemple. Aragon qui n'a pas du tout eu le même trajet que lui. Hein. Ils sont à peu près de la même époque. Il y en a un qui est né en 97, l'autre en 98. Et tout de suite après la guerre, bon, Aragon, il a voulu rompre avec la tradition narrative classique. Kessel, lui, pas du tout. Mais ça reste un homme qui est marqué par la Première Guerre mondiale, bien évidemment, dans toute cette constellation d'auteurs, d'ailleurs, qui ont été marqués par la Première Guerre. Alors lui, il n'a pas de personnage emblématique de cette période. Il n'y a pas Bardamu de Céline, il n'y a pas Cripure de Louis Guillou. Il y a peut-être Herbillon dans L'Équipage, on en parlera. Oui, absolument. Et puis un personnage aussi dans Les Captifs, le roman qui porte sur un sanatorium. Et le captif, eh ben, il est captif des souvenirs de guerre. Et c'est pour ça qu'il bascule un petit peu dans le cynisme. Donc il passe un peu entre les gouttes quand même, Joseph Kessel. Il passe entre les balles et les bombes. C'est le cas par exemple en Espagne, où parce que il a décidé de ne pas assister à une convention ou à un dîner parce qu'il préférait être avec quatre de ses amis pour pouvoir faire la fête. Et ben finalement il a évité de mourir parce que l'endroit où il aurait dû se trouver a été bombardé. Oui, oui. Il y a quelque chose justement qui nous parle un petit peu de Joseph Kessel dans ce rapport du plaisir et du devoir. Joseph Kessel est passé entre les gouttes, peut-être aussi parce qu'il était plutôt du côté du plaisir que du devoir. Ben, il est allé en Espagne, la première fois il y était en 1934, alors la chance aussi parce qu'il y était presque en voyage de noces, et boum, il y a eu une révolution catalane, donc il était sur place. Donc il en a tiré un roman, et ensuite il retourne en Espagne, alors non pas en 36, mais il y retourne assez tardivement, en 1939. Et il fait alors c'est pas un reporter de guerre au sens où il montre la ligne de front, les rapports de force, etc. Non, il s'intéresse aux gens, à la façon dont ils vivent ou dont ils survivent en l'occurrence. Il s'intéresse aussi aux francs-tireurs sur les toits qui tirent sur les passants. Enfin, oui. Il y a des petites histoires quand même toujours qui sont à la frontière du journalisme et peut-être d'ailleurs de l'invention. Ah bah c'est un petit peu. Oui, bah c'est une matière romanesque. Hein, la vie qu'il connaît là-bas est une matière romanesque. Il observe les femmes qui étendent leur linge et puis qui sont tuées par des éclats d'obus ou par des tireurs. Il faut dire que l'Espagne à cette époque-là, c'était pas évident hein, quand même, hein, parce que ça tirait dans tous les sens et on savait pas exactement qui tirait sur qui, hein, y compris dans le camp républicain. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand il rentre à Toulouse, il se rend compte que le scénario est déjà joué, c'est-à-dire qu'il reproche aux démocraties occidentales de ne pas avoir soutenu l'Espagne républicaine, parce qu'il y a le fascisme qui s'installe du côté de Franco, et puis il a été déjà en 1932 aussi en Allemagne, donc il voit ce qui se met en place. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire qu'il a, il a véritablement des idées politiques. C'est la Compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture. Gilles Rey, nous sommes avec vous pendant encore une cinquantaine de minutes. On a posé quelques jalons qui permettent de comprendre aussi un petit peu la personnalité, je crois, de Joseph Kessel. Il faut peut-être revenir un petit peu maintenant sur les origines de Kessel et remonter même à la génération du dessus, c'est-à-dire à ses parents et notamment à son père, qui est un personnage tout de même assez extraordinaire. Pour raconter cette histoire, peut-être qu'on peut commencer par dire que Kessel est né en Argentine, à Villa Clara, le 31 janvier 1898. Que faisait cet enfant d'un juif russe et d'une juive de Lituanie? Pourquoi est-il né en Amérique du Sud? Alors, son père est né dans un shtetl en Lituanie. Il a fait des études de médecine qu'il ne pouvait pas faire parce qu'il était juif. Hein, donc en Russie c'était quasiment interdit. Et puis bon, il y avait un numerus clausus qui était véritablement défavorable aux juifs. Donc, c'est un milieu pauvre aussi. Absolument. Il a fait ses études ensuite en France et il a bénéficié des bienfaits du baron Hirsch qui a fondé une fondation donc en Argentine, et pour remercier le baron Hirsch, Samuel, donc le père, est allé dans une colonie en Argentine. Parce que cette colonie argentine avait vocation à aider justement des juifs persécutés en Russie et à leur permettre d'avoir une vie meilleure. Absolument. Alors donc le petit Kessel est né là-bas. Ensuite, tout de suite après, ils sont repartis en France. Tout de suite après, ils sont repartis à Orenbourg, dont il a gardé des souvenirs. Hein. Il le raconte. Il a vu les caravanes, il a vu les cosaques, il a vu des scènes de violence. Il était tout petit, mais ça l'a marqué. Ça, il le dit à plusieurs reprises. Et ensuite, il est revenu en France et il s'est installé. Il a fait sa scolarité à Nice à partir de 1908. Jusqu'en 1913, je crois, et là, il a été pris en main par Hubert Morand, dont il parlait dans l'extrait qu'on a entendu. Donc, le professeur qu'il aimait tant. Voilà, le fameux professeur dont il a dit que c'est grâce à lui qu'il avait véritablement compris ce que voulait dire la scène Andromaque, la pièce Andromaque. Mais bon, ça a été un très très bon élève, mais bon, dès les premières années, vous voyez un petit peu tous les kilomètres qu'il a pu franchir. Mais il est juif et il est russe. Il a toujours été russe de toutes ses fibres. Ma mère n'a pas pu supporter le climat très longtemps, alors mes parents sont retournés en Russie auprès de leur famille, et la Russie, ma mère, est née sur les bords de l'Oural, c'est-à-dire en Russie d'Asie, alors vous imaginez le voyage, enfin, c'est, je crois, s'il y a prédestination, je dis ça en plaisantant, mais j'étais voué au voyage quand à un an on vous emmène d'Argentine sur des bateaux qui n'allaient pas très vite jusqu'à Marseille, que de Marseille on va à Paris, que de Paris on s'embarque jusqu'au fin fond de la Russie d'Europe, vers les régions où il y avait des caravanes et pas encore une automobile, on est quand même prédestiné au voyage. Prédestiné au voyage, prédestiné aussi à l'aventure, et pas l'aventure la plus simple, parce que il faut revenir un petit peu sur cette atmosphère. Alors évidemment, c'est encore un nourrisson en Argentine. mais ça a quand même un impact quand vos parents ont vécu dans des cabanes, dans la boue, dans une forme de misère aussi. Après le retour en France, le passage en France, c'est aussi un moment où Kessel, le nourrisson, manque de mourir. Oui, il faut se rendre compte de l'extrême difficulté, finalement, de la vie de ses parents. Ça a forcément déteint sur lui, Gilles Rey. Oui, bah, il a reçu de son père des balises morales, en quelque sorte, parce que son père a toujours, la mère de son père voulait absolument qu'il parle hébreu, et donc le père a appris le français en lisant des livres, en lisant Victor Hugo. Voilà. Ensuite, il est rentré en France. Il a fait ses études à Montpellier de médecine, où on dit d'ailleurs que c'est Yves Courrière qui le raconte. Il aurait joué aux échecs avec Paul Valéry. Bon. Vous avez écrit un livre d'ailleurs sur Paul Valéry. Bon. Oui. C'est pour ça que vous connaissez bien cette histoire. Oui, oui. Et ensuite, bon, il a été un excellent élève. Mais je crois que la balise morale de toute sa vie, ça a été ses parents. Et ensuite, à la mort de son père, ça a été Raïssa, sa mère, vers laquelle il a toujours voué une admiration et un amour considérable, quoi. Raïssa, la femme dévouée, c'est comme ça qu'on pourrait la qualifier. La femme dévouée qui surveillait tout le monde, qui surveillait son fils, notamment les frasques de son fils. Elle n'a pas bien réussi à le surveiller. Elle n'a pas bien réussi, mais bon, elle a été... il y pensait quand même. Hein. Elle a un rôle important, par exemple, dans le Tour du Malheur que vous évoquiez tout à l'heure. Là aussi, elle aussi, c'est une borne morale. Mais bon, elle s'est toujours inquiétée pour ses fils. Alors Georges, lui, le dernier né, c'était un petit peu le flambeur. Hein. Il n'a pas eu la grande réussite de son frère, et il a été d'ailleurs et beaucoup aidé, y compris financièrement, par Kessel. Mais il y a Silbert, le petit Lola, le petit Lazare, qui était voué à une grande carrière de comédien, et il s'est suicidé à l'âge de 20 ans. Quoi. Mm-hmm. Donc ça fait partie encore des blessures, des cicatrices qui ne se sont jamais refermées chez Kessel. Et dans ses œuvres, ou dans certains de ses personnages, on peut noter qu'il y a une dimension existentielle. Hein. Il a beaucoup lu Dostoïevski aussi, il a beaucoup lu Tolstoï, et donc il y a des fractures, il y a des douleurs qu'il traduit dans ses œuvres, et sur lesquelles lui il se tait un petit peu. C'est un personnage dostoïevskien un petit peu, Kessel. Tout est permis. Bien sûr, tout est permis. Pour lui, tout est permis, oui, on peut tout faire. Bien sûr, tout est permis. Alors c'est quoi, c'est Karamazov ? Oui, et puis Tolstoï aussi, il disait que ce qu'il admirait chez Tolstoï, c'est qu'il pouvait, sur 50 pages, parler d'un sentiment amoureux. C'est ce qu'il a aussi essayé de faire dans Le Tour du Malheur. C'est-à-dire la grande œuvre tolstoïenne qu'il voulait écrire et qu'il a mis 10 ans à publier. Une grande saga qui est un peu autobiographique. Oui, bah le personnage de Dalo, effectivement, est autobiographique. Hein. C'est un personnage qui a fait la guerre et qui brûle la vie par tous les bouts. C'est aussi un bagarreur quand même, Kessel, quand il est petit, à Nice, avec son frère. Ils font un peu les 400 coups. Est-ce qu'ils n'ont pas un côté un petit peu caïd aussi? Bah, lui, c'était un colosse, hein, quand même, hein, Kessel. Hein, et effectivement, il s'est bagarré assez jeune. Il faut imaginer aussi quand, juste après la guerre, le 11 novembre 1918, il entend les cloches. Quand il est sur le bateau, il va aux États-Unis. Il part aux États-Unis. Il va traverser les États-Unis. Et de la Californie, il va faire un voyage en bateau jusqu'à Vladivostok. Mmh. À une époque où les stratégies de l'armée française étaient un peu floues. Au départ, c'était pour arrêter les Allemands. Puis en fait, après, ça a été pour aider les Blancs contre les Bolcheviks. Et il s'est retrouvé à vouloir, commis par les Russes, il a négocié avec des Cosaques dans une ambiance de violence absolue. Enfin bon, et il avait 20 ans, quoi. Donc effectivement, il c'était un bagarreur, mais heureusement pour lui. Il allait à l'aquarium aussi en Sibérie. Il a été à l'aquarium. Qu'est-ce que c'est l'aquarium, cette espèce de boîte invraisemblable. Oui, on imagine que Sternberg aurait pu faire un beau film là-dessus. Hein. Il a connu des prostituées, des danseuses. Il y avait des armées internationales qui étaient là-bas. Donc oui, il a appris à se défendre. Et puis bon, par la suite. Dans certaines soirées arrosées, comme il avait l'habitude d'en entreprendre, si je puis dire, dans les cabarets russes, bon, et là, il pouvait tout casser, effectivement. il pouvait tout casser. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est quand vous allez aux archives de la préfecture de police, que vous regardez le dossier Kessel, il est très très mince. Il n'est jamais fait mention de ces frasques. Et, alors, c'est probablement parce qu'il était ami avec le préfet de police, Jean Quiap, qu'il y a un certain nombre de rapports qui ont été épurés comme ça. Mais alors, il s'est quand même ouvert. Il s'est blessé, voilà, j'allais dire. Sur un verre. C'est comme il aimait bien casser à la russe, hein, les verres, que ce soit à Paris d'ailleurs ou en Russie, il a failli perdre sa main. Oui, absolument. Henri Janson racontait que, il disait, si vous voulez faire une mauvaise blague à un copain, vous dites, bah tiens, ta femme serait ravie d'inviter Kessel à dîner. C'était un de ses démons, Gilleray, l'alcool. On sait aussi qu'il a été en rééducation pour abandonner la cocaïne, pour abandonner l'opium aussi, l'héroïne. Il a touché un petit peu à tout, mais effectivement, y compris dans tous ses voyages, il se débrouillait toujours pour avoir une bouteille d'alcool avec lui. Oui, ça a été un de ses démons, effectivement, oui, qu'il a ensuite partagé, si je puis dire, avec sa dernière femme, Michèle O'Brien, qui, elle, était très très alcoolique et avec laquelle il a eu qu'il a toujours soutenu, mais enfin il a vécu une période très très compliquée avec elle. Alors pour revenir un petit peu à la période d'avant-guerre, on retrouve Joseph Kessel et son frère qui sont très très proches, qui s'aiment énormément, qui font un peu tout ensemble et qui font du théâtre ensemble. Parce que au départ, Kessel, c'est une vocation théâtrale. Oui, c'est une vocation théâtrale. Très jeune, il voulait s'engager à 16 ans pour faire la guerre. Mais bon, il a pas pu, effectivement. Donc il a été sur un autre théâtre qui était les scènes de théâtre. Et il a joué des pièces. Bon, c'était pas un des premiers rôles, mais enfin, il a été hallebardier et tout ça, mais il a connu la scène. La Première Guerre mondiale a éclaté. J'avais eu le temps pendant de passer mon bac de philo, ma licence, d'être au conservatoire à l'école, enfin au conservatoire de théâtre, et de jouer à l'Odéon, d'écrire au débat. Enfin, vous avez joué à l'Odéon ? Joué à l'Odéon. Sous le nom de Joseph Kessel ? Non, non, ça... Mon père, qui m'a laissé complètement libre, simplement, je lui ai demandé mais je savais que ça lui était désagréable, c'était les préjugés de notre siècle, je lui ai dit, je vais prendre un pseudonyme, alors il m'a dit très bien, je lui ai demandé, donne-moi un pseudonyme, il m'a dit Durak. Durak, ça veut dire imbécile en russe. Alors je lui ai dit, je te parie 10 francs, ce qui était une somme énorme pour moi à l'époque, que c'est le nom que je vais prendre. On a parié, et alors c'est la seule fois où je me suis anobli, je me suis appelé Joseph D'HOURAC. Il y a des programmes, je crois que j'en ai un ou deux de l'Odéon qui portent ce nom-là, j'ai gagné mes 10 francs. Et d'homme de théâtre, vous êtes devenu homme de guerre? Homme de guerre, non, oui, enfin je me suis engagé, j'avais 17-18 ans. Qu'est-ce qui vous portait à vous engager? Évidemment, toute question de... il y avait à ce moment-là, évidemment, des sentiments patriotiques, tout le monde aurait voulu s'engager, etc., mais... Aviez-vous autre chose que cela? Non, besoin? Oui, le besoin absolu, la honte. D'abord, j'étais très costaud, j'avais l'air d'avoir 20 ans. Et puis, le goût de l'aventure, le goût de la guerre qu'ont, je crois, jusqu'à présent, peut-être moins maintenant, parce que la guerre est devenue tellement impersonnelle et avec la bombe atomique tellement impensable et tellement... C'est un magma horrible, mais là, il y avait encore le souvenir des charges de Réchauffen, il y avait... la guerre individuelle et surtout dans l'aviation, et j'y étais par patriotisme sûrement, mais au fond, autant au moins par le goût de l'aventure. Et puis l'uniforme d'aviateur était saillant, on commençait à penser aux femmes, enfin tout ça quoi, enfin, tout ça allait ensemble. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Entretien avec Stéphane Pizzella qui date de 1969, vous le connaissiez peut-être, Gilleray. Il parle de cette façon de voir la guerre qui est très 20e siècle, voire 19e siècle. Il y a un côté héroïsme qui aujourd'hui nous semble complètement daté, enfin qu'on ne peut plus justifier aujourd'hui. Oui, là on a entendu le récit d'un destin individuel, mais qui est aussi un destin collectif. Il y a beaucoup d'écrivains, d'artistes dont certains étaient antimilitaristes d'ailleurs, dont certains se disaient même antipatriotes, entre guillemets. mais qui ont fait la guerre parce qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas ne pas y aller. Et ça a été le cas de Kessel, bon, comme ça a été le cas de Léon Vert dont je parlais tout à l'heure, comme ça a été le cas d'Apollinaire, bien évidemment. C'était une façon de remercier la France aussi. Oui, parce de que remercier ça, la France. C'est des gens qui arrivaient en France. Oui, qui de remercier pas nés la France, la culture française, et puis, ben, même en étant antimilitariste, l'agresseur, en l'occurrence, c'était l'Allemagne. Donc, voilà, il y avait toujours un côté défensif dont ils pouvaient se prévaloir. Mais il y a aussi le goût de l'aventure et de la guerre, c'est évident. D'ailleurs, il le dit de manière un petit peu détournée, c'est une de ses amies d'enfance, Émilie Oumanski, qui la rapporte. Il voulait faire quelque chose de grand, donc ça peut passer par l'héroïsme guerrier. Il disait, je veux être acteur, mais je veux continuer d'écrire pour le théâtre, je veux faire des livres, mais je veux travailler dans un journal, je veux voyager, découvrir des pays nouveaux, je veux la richesse, la puissance, le triomphe, la célébrité, une vie romantique, j'ai envie de tout faire, j'aime tout, et je ne sais que choisir. Bah d'abord, il avait choisi la littérature, il avait choisi les Trois Mousquetaires, donc des héros. Il avait choisi Zola, qui pour lui était à la fois un romancier, mais aussi un reporter. Quand il a été, par exemple, à Lourdes, Émile Zola, bah, il a été enquêté pendant un mois. Pareil pour les mines, pareil pour Au bonheur des dames. Donc pour lui, c'était des modèles. Et effectivement, il voulait partager ses destins exceptionnels. À la fois voyager, à la fois enquêter, et voilà... À la fois écrire sur ce qu'il voulait et écrire sur les personnages qu'il allait rencontrer. Donc oui, le journal des débats, quand il a commencé, il traduisait des dépêches, mais il était évident qu'il pensait à autre chose. Donc vivre et écrire, c'est la même chose. Bien sûr, bien sûr. Alors en l'occurrence, cet engagement pour la France commence d'abord comme un engagement de brancardier. Ensuite, il va passer sa licence en lettres à Paris en 1914. Et puis après, il s'engage de nouveau, mais cette fois dans l'aviation. Dans l'aviation, qui était, c'était l'aventure de l'aventure. C'était une arme qui était encore mal connue, mal maîtrisée. Et il a fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, il a fait quand même 150 missions sur des avions qui n'étaient pas équipés de parachutes. Il a été décoré d'ailleurs. Il a été décoré, bien sûr. Donc il en est ressorti grandi. C'était une forme de héros. Et d'ailleurs, quand il est arrivé aux États-Unis. Il disait que c'était la liesse absolue. C'était des Français vainqueurs et des Français vainqueurs aviateurs. Ben on va écouter justement une archive à ce sujet. Quand on était des Français, les Français à l'époque, c'était les gens qui avaient fait le mieux la guerre. Il y avait Verdun, il y avait toute la légende. Il y avait, et puis, nous étions des aviateurs. Or, c'est un peu ironique maintenant, où tout le monde va apprendre plus ou moins prendre des leçons des Américains. On envoyait dans nos escadrilles des pilotes et des observateurs américains pour être entraînés. Nous étions en tête. Et les aviateurs, c'était des êtres un peu mythiques. La preuve, c'est qu'on vous demandait froidement, pas en France, parce qu'on était quand même plus au courant, mais en Amérique, est-ce que vous avez fait des avions prisonniers? Pas des aviateurs, des avions prisonniers. Alors, c'était une marche triomphale à New York. Les confettis, la réception à l'hôtel de ville, on est resté 48 heures. Et là, ça n'avait plus de sens, notre voyage, mais la routine des bureaux, on a continué, les gens se couchaient. On avait un train spécial, parce qu'il y avait un détachement de chars avec nous, pour nous et pour les chars. Et les gens se couchaient sur la voie du chemin de fer pour arrêter le train, pour nous donner des cigarettes, pour nous voir. Et puis, à San Francisco, on a attendu les ordres pendant 6 semaines. Là, ça a été un délire. Les hôtels ne voulaient pas nous faire payer, les taxis ne voulaient pas, on était forcé d'être sous, ou à peu près sous, dès qu'on descendait dans le hall, parce qu'il y avait une queue de gens qui voulaient avoir l'honneur de boire avec nous. Ça, c'est l'exaltation, Gilles Heuré, post-Première Guerre mondiale. Mais la réalité a été quand même difficile dans cet escadron où il se retrouve, où Joseph Kessel se bat finalement, même si dans l'équipage de l'avion, il n'est pas devant, il ne conduit pas l'avion, il ne le pilote pas, il est derrière, parce qu'il fait du renseignement, il regarde les lignes ennemies, mais il a aussi une mitrailleuse. Oui, il a une mitrailleuse, et si jamais le pilote est blessé, bah, il plonge avec. Hein. C'est ça, il a deux chances de mourir. Absolument. Il peut mourir parce qu'il reçoit une balle, mais il peut mourir aussi parce que le pilote reçoit une balle. Oui, oui, donc il voit la guerre d'en haut, donc il connaît pas la guerre des tranchées. Hein, donc, et quand il écrira l'équipage, vous savez, dans les années, à la fin des années 20, début des années 30, il y a un personnage qui s'appelle Jean Norton Cru, qui avait lu à peu près 350 romans qui avaient été écrits sur la guerre, et alors il a vérifié absolument la véracité des faits, regardé si tel régiment était au bon endroit et tout ça, donc il a été très sévère sur la plupart d'entre eux, mais sur l'équipage, il reconnaît que c'est un formidable documentaire et que c'est ce qu'écrit Kessel dans l'équipage, c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Il l'écrit en 3 semaines, ce livre ? Il l'écrit en 3 semaines parce que, bon, il avait certainement pris des notes avant, et puis il a une capacité d'enregistrement qui est exceptionnelle, hein. Là, tout récemment, là, il y a un livre de Eduardo Mendoza là qui est sorti, et il dit que voilà, c'est un livre dans lequel il note tout, il écoute tout, de la rue, les affiches, etc. Il dit je suis un enregistreur. Bah, Kessel, c'était la même chose. Mm-hmm. C'était un enregistreur. Il écoutait tout, il lisait tout, il entendait tout et il retenait. Donc c'est l'histoire de Herbillon qui arrive dans un escadron et qui est fasciné par un officier, l'officier Télis Vachon, ou plutôt Gabriel Télis. Alors lequel est le vrai, lequel est le modèle, lequel est le personnage ? Ah bah Vachon c'est le vrai, Télis c'est le, mais bon les deux se mélangent, hein. Mais là encore c'est les 3 mousquetaires. C'est-à-dire il a en face de lui un héros, un homme qui est courageux, qui est très jeune encore, hein, parce que c'était des hommes jeunes qui combattent, qui n'ont pas peur de mourir, ou s'ils ont peur de mourir ils n'en parlent pas. Et puis ils sont décorés, ils font la guerre, ils meurent et ils savent que leur souvenir ne sera pas évanoui. Et qui sont presque gamins aussi, parce qu'ils sont encore une fois très jeunes. Il y a un côté presque, on passe du scoutisme au grand tragique, quoi. Oui, bah c'est le scoutisme parce que c'est une bande de gamins. Et puis ils sont bien habillés, ils sont quand même mieux habillés que les fantassins. Hein. Ils bénéficient de permissions plus grandes, mais en même temps, bon, c'est sans couperet, c'est-à-dire que, enfin, c'est sans filet. S'ils sont blessés, ils plongent, ils meurent. Alors ils sont ensemble, tous les deux, dans cet avion. C'est vraiment le sens du titre du livre, l'équipage. Et Herbillon dit « Un équipage, c'est une entité morale, une cellule à 2 cœurs, 2 instincts, que gouverner un rythme pareil. » Et un peu plus loin, il dit finalement « Voler ensemble, avant de voler ensemble, ils n'avaient fait que s'aimer. » Et là, ils se complétaient. Donc il y a une expérience de la camaraderie qui semble très très importante pour Joseph Kessel, et ce sera le cas peut-être toute sa vie d'ailleurs, Gilles Leray. Oui, il apprend à évaluer les hommes. Alors dans l'équipage, il y a un chassé-croisé amoureux. Hein. Il se trouve qu'il a pour maîtresse, il l'apprend après, la femme d'un de ses meilleurs amis. Et donc là, il a fracture morale, là encore, il a le destin fracturé, et puis il a le sens de la culpabilité, bien sûr. Mais et donc finalement, il décide de donner leur priorité à l'amitié plutôt qu'à l'amour. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, ce sont toujours les amitiés qui priment chez Kessel, y compris d'ailleurs, on le verra par la suite, des hommes qui ne partagent pas du tout ses idées, mais avec lesquels il a une sorte de sentiment d'amitié, de confiance. Dans Le Monde, là, cet été, il y a eu une très belle série sur Belmondo de Samuel Blumenfeld. Et alors, il raconte que quand Belmondo, qui a interprété Stavisky, qui avait connu Kessel, les critiques de cinéma de l'époque ont dit à Belmondo, mais non, vous êtes en fait, vous êtes trop frimeur, vous êtes trop bien habillé, vous êtes trop charmeur, ça correspond pas à Stavisky. Et Belmondo avait dit, mais non, au contraire, c'est précisément parce qu'il avait du charme qu'il a pu avoir un entre-gens pareil. Et c'est exactement ce que dit Kessel. lors du procès de Stavisky, bon, Kessel avait reçu de l'argent de Stavisky pour créer un journal. Bon, finalement, les choses ne se sont pas faites et il a prouvé qu'il avait rendu l'argent. Mais il a écrit un article dans lequel il dit non, moi je ne hurle pas avec les loups. J'ai baisé les mains de la femme de Stavisky, j'ai dîné avec Stavisky, c'était un ami. Et puis voilà, je ne hurle pas avec les loups parce qu'il considérait que bah, quand il a rencontré Stavisky, c'était un personnage intéressant. Quoi. Est-ce qu'on ne lui a pas reproché ça quand même, ce manque de ce qu'on pourrait appeler une rigueur morale? Ben, la rigueur morale qu'on lui a... Non, c'était pas tellement la rigueur morale, c'était surtout au début la rigueur idéologique, parce qu'on lui a reproché d'avoir eu des amitiés avec des gens d'extrême droite, Horace de Carbucia par exemple, Georges Suarez, qui ont connu Henri Béraud. Henri Béraud avec lequel il avait fait son premier reportage en Irlande, qui était son ami, et puis bon, dans des journaux comme Gringoire ou même Le Matin, quand il y a eu des dérives antisémites et néofascistes, là il a systématiquement rompu avec eux. Mais, et là, c'est intéressant parce que l'amitié s'est effacée devant un choix absolu qui était, l'idéologie fasciste. Quoi. Donc il arrive à trouver une limite. Ah bah bien sûr, oui, oui. Et qui se forge au fur et à mesure, d'ailleurs. Hein. Quand il va en Palestine, dans les années 20, bon, il n'a pas tellement conscience de ce qui va se passer. C'est Weizmann qui l'entraîne là-bas. Et il découvre un pays. Il découvre une nation juive qui essaye de se constituer. Et puis, il est fasciné par les fragrances des orangers, par la façon avec laquelle les gens piochent hein, des terres absolument infertiles pour faire des cultures. Et il a le souvenir de l'Irlande, c'est-à-dire une petite nation qui essaye de se constituer face à un ennemi beaucoup, beaucoup plus grand. Et on retrouvera ce sentiment quand il préfacera Les Fils de la Toussaint de son ami Yves Courrière, qui avait écrit donc les 4 tomes sur la guerre d'Algérie. Guerre d'Algérie que Kessel n'a pas couvert, mais dans son introduction, il dit bah oui, il y a une nation algérienne qui essaye d'être indépendante. Mmh. Vous voyez, c'est au fur et à mesure, tout au long de sa vie, il a cette notion de petit pays, de petite nation qui essaye de se constituer et qui se bagarre contre des plus puissants qu'eux. Alors pour revenir un petit peu à l'équipage, il y a donc en effet cette histoire d'amour qui est très très importante parce que elle fait écho à donc l'histoire d'amour que Kessel lui-même vécu puisque quand il part à la guerre, il a pour maîtresse une femme qui a un mari sur le front. Il part lui-même sur le front et c'est son petit frère qui finalement devient l'amant de cette même femme. Et ça, il le raconte, au fond, de façon assez peu cryptée, dans l'équipage. Oui, bah c'est le triangle amoureux dont je parlais tout à l'heure. Mais bon, c'est l'amour du frère qui prend le dessus. Alors ça, c'est intéressant. Donc c'est toujours les hommes, finalement, qui ont un lien très fort. Et les femmes, au fond, elles sont périphériques. Sauf dans le cas de Sandy, la jeune femme qui va épouser par la suite et qui va mourir en 1928 de tuberculose. Et il a toujours voué à cette femme non seulement un amour, mais un respect, une estime exceptionnelle. D'ailleurs, il disait qu'à chaque fois qu'il écrivait quelque chose, il faisait lire ce qu'il écrivait à Sandy, qu'il corrigeait, qu'il conseillait, etc. Ça Est-ce que c'est la seule de sa vie. C'est la seule finalement qu'il respecte à ce point-là. Oui. Sinon, ce qui compte, c'est l'amitié, les amitiés masculines. Les amitiés masculines. Et encore une fois, Sandy. Hein, avec les femmes, il a toujours été, j'allais dire correct. C'est un petit peu délicat de le formuler comme ça, mais bon, il a entretenu sa maîtresse, par exemple. Ouais. Il a continué à lui donner de l'argent pour pas qu'elle soit pas dans le dénuement tout en étant mariée. Quoi. Donc, pour lui, c'était une forme de courtoisie, voilà, de courtoisie alimentaire. Alors Sandy, donc la seule femme qu'il ait réellement aimée, hein, bon il en a aimé d'autres, on va en parler dans le cours de la semaine. Dominique Missica. On en parlera mercredi avec Dominique Missica. Mais Sandy se marie avec elle en 1921 et elle va contracter la tuberculose, elle va mourir en 28 je crois ou 29. Donc c'est une tragédie dans la vie de Kessel, comme il y en a eu beaucoup d'ailleurs, des tragédies, des pertes. Bah, c'est une tragédie... Il la voit décliner au fur et à mesure. Alors il reste auprès d'elle, mais de temps en temps, et enfin même assez souvent, il part quand même en reportage, hein, parce qu'il a besoin de d'expulser la douleur d'une certaine façon. Hein. Il ne peut pas rester en place, pas plus de 3 mois. Non, mais quand son jeune frère est mort, dont on parlait, Lola, il s'est suicidé en 1920. L'année d'après, quelques mois après, il part en reportage parce qu'il a besoin de bouger pour ne pas végéter dans la douleur. Quand Sandy est en malade de tuberculose, donc est à Davos dans le sanatorium, bah lui il va bouger. Il faut qu'il parte en reportage pour essayer de survivre un petit peu à cette douleur, avec en même temps ce sentiment de culpabilité qui le ronge forcément, parce qu'il n'est pas à ses côtés. Toute l'entre-deux-guerres, c'est une production énorme, beaucoup de reportages, des voyages aux quatre coins du monde, des romans aussi. Il écrit très vite. Et il est publié très vite. Hein. Avec beaucoup de succès, d'ailleurs. Voilà, et quand Gaston Gallimard lit Le Coq Rouge, il lui propose un contrat tout de suite. Et Kessel n'aura jamais aucun problème pour publier. Alors, il est très bon, il est très cher. Il fait des notes de frais aussi, insensées. Je crois qu'aujourd'hui, il doit encore avoir le record de la note de frais quand il part faire son grand reportage sur la note sur le marché des esclaves. Dans les notes de frais, on les a pas lues, mais bon, il y avait des felouks, il y avait des bars, il y avait des chameaux. Donc aujourd'hui, ça serait difficile à faire passer auprès du DRH, hein, c'est sûr. Ouais, vous avez essayé, vous, dans votre... Non, les chameaux, jamais, non. Alors, l'entre-deux-guerres, on vient d'en parler. La Seconde Guerre mondiale, c'est d'abord la drôle de guerre. Il y a des articles de lui où il montre un peu la confusion qui règne à tous les niveaux du commandement, donc il sent quand même assez bien ça. Il raconte la débâcle. Et au début de cette guerre, est-ce qu'il hésite un peu entre Pétain et De Gaulle? Comment ça se passe dans sa tête à ce moment-là? Non, il n'hésite pas. Ce qu'il y a, c'est que tout jeune journaliste, il avait fait un reportage sur le 14 juillet 1919. C'est son premier reportage. Voilà, son premier grand reportage, et donc il observe les mouvements de la foule, il voit passer les régiments, et il se souvient de Pétain sur son cheval blanc. Et quand il assistera au procès Pétain en 1945, il aura un sentiment de gâchis, en fait. Il se souviendra de ce personnage qui était un vainqueur sur son cheval blanc et qui avait totalement décliné et qui avait livré la France aux collaborateurs et aux Allemands. Mm-hmm. Mais il n'hésite pas. Non, il rentre en résistance assez rapidement. Et puis ensuite, il rejoindra Londres. Et une fois à Londres, au lieu d'accepter des missions diplomatiques, bon, il veut repartir sur un avion. Et donc, il fait encore des missions comme aviateur. Quoi. Et ensuite, il continuera à suivre les régiments jusqu'en Allemagne. Et puis, il écrit ce grand roman de la résistance qu'est L'Armée des Ombres. L'Armée des Ombres, alors qui est un roman assez curieux d'ailleurs, parce que c'est presque un collage. Hein. Il y a plusieurs témoignages, alors des témoignages qu'il avait recueillis auprès de résistants quand il était à Londres, mais des scènes qu'il avait vécues en tant que résistant quand il était en France. Et j'ai eu un moment d'émotion aux archives de la Cinémathèque française. Il y a le livre L'Armée des Ombres qui appartenait à Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Melville considérait que c'était le grand livre sur la résistance, et donc de temps en temps il y a des petites annotations au crayon, mais très très décentes, très très subtiles, très délicates de la part de Melville pour changer éventuellement une ou deux scènes. Le film est très très fidèle d'ailleurs au livre, hein. Mais c'est effectivement un des grands romans de la résistance. Et puis bon, après il y aura le Bataillon du Ciel aussi, hein, qui est sorti en DVD, qu'on trouve encore en deux volumes, qui est l'histoire de ces parachutistes français qui vont libérer qui vont mener des actions en France. Et puis on parlera au cours de cette semaine évidemment du chant des partisans, oui, qu'il a écrit avec son neveu Maurice Druon. À la fin de la guerre, il suit le procès Pétain, il suit aussi Nuremberg. Évidemment, oui, ça l'intéresse, il est juif et il est écœuré par ce qu'il voit, par ce qu'il entend. Bah, il décrit Göring comme une espèce de vieille femme acariâtre. Il est, comme beaucoup d'ailleurs, stupéfait par le déni absolu des dignitaires nazis. Et ensuite, il couvrira encore le procès Eichmann au début des années 60, ouais, où là il présentera, il dira qu'Eichmann a l'air d'une vieille araignée, comme ça. Et qu'il est plongé lui-même, en suivant ce procès, dans une espèce de cauchemar réveillé. Oui, de cauchemar réveillé, parce qu'il faut se souvenir que C'était des grands réalisateurs hein, qui filmaient le procès de Nuremberg. Et il faut se souvenir de, enfin c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais il y a beaucoup de témoins, de protagonistes qui découvraient les images, les images de la libération des camps. Vous savez, il y avait une scène célèbre dans un film, dans un documentaire de Samuel Fuller, qui avait sa mère venait de lui acheter une caméra Bellowell à trois tourelles comme ça, et il a filmé la libération d'un camp. Et le capitaine lui dit, filme, vide le magasin d'un seul coup, fais des panoramiques pour qu'on ne puisse pas nous accuser d'avoir fait des montages. Donc ça c'est vraiment du journalisme pour le coup, et il s'agit d'apporter une preuve. Donc il avait quand même ça aussi un petit peu en tête, Joseph Kessel. Tout n'est pas romancé. Non, tout n'est pas romancé. Bah, d'ailleurs, souvent dans ses reportages, quand il va en Allemagne, donc en 1932, donc il couvre les élections, il couvre Hitler, dont il dit d'ailleurs qu'il lui inspire une répugnance physique absolue. Hein. Mais il fait aussi des reportages sur Unterwelt, c'est-à-dire les brigands, les gangsters allemands. Et dans ses articles, il dit « Je vous assure que ce que j'écris est vrai, j'y étais. » Aujourd'hui, jamais on écrirait ça. Quand Kessel venait, vraiment, Gaston Gallimard était heureux. Et je ne connais que deux autres cas semblables où il manifestait le même plaisir. C'était Emmanuel Berle et Jean Renoir. C'est quand même Kessel qui a fait faire détective... le magazine détective à Gallimard, avec son frère Georges. Et moi, je me souviens ici, il suffisait qu'on écrive Kessel en gros sur une couverture et le livre se vendait, ben, c'était prodigieux. J'ai assisté à ça, mais avant, j'ai été un moment François et Lazareff et Kessel aussi, c'était des gens tout à fait intimes. Kessel était chez lui à François. Il était vraiment gentil, enfin, moi. Avec vraiment un homme plein de bonté, de gentillesse, un commerce très très agréable. Mais en même temps, il pensait qu'on était un peu là pour à son service. Moi, je me rappelle un jour, il arrive, il me pose un grand paquet de feuilles là sur mon bureau. Il dit, oh, je crois qu'on peut faire un livre avec ça, regardez. Enfin bon, c'était... Et il trouvait ça, avec son extrême gentillesse, il disait, ben oui, ben vous n'avez qu'à faire ça, pour voir. C'était drôle, pardon. Moi, j'étais très très content d'avoir eu, d'être entré un petit peu dans son intimité. Vous avez reconnu l'éditeur Roger Grenier qui se souvenait de Kessel chez Gallimard. Ici au micro de Françoise Esteb en 2008. Qu'est-ce que vous retenez en particulier de ce qu'on vient d'entendre, Gilles Heuret? Est-ce que c'est le personnage attachant que nous décrit Roger Grenier, ou est-ce que c'est celui qui laisse les autres un peu travailler à sa place? D'abord, je retiens la grande gentillesse de Roger Grenier qui, lui, a commencé comme journaliste à combat grâce à Albert Camus. Et qui a connu la France littéraire absolument. Pendant 60 ou 70 ans. Et Albert Camus, c'est pas exactement le même personnage que Kessel, quoi. Hein. Mais il comprend bien comment fonctionne Kessel. Hein. C'est un personnage qui est certain de toute façon d'être édité, qui est chez Gallimard comme chez lui, et puis qui est d'un commerce très agréable, très gentil, très agréable. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Quand il crée Détective, il va persuader Gaston Gallimard de sortir ce magazine qui est pas exactement dans la lignée de Gallimard, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. L'effet divers. Voilà, c'est il lui dit, tu sais, voilà, moi je connais plein de gangsters, je vais avoir des reportages, des confidences, des scoops exceptionnels. Je connais bien Jean Kiap, le préfet, donc de la matière elle est là. Donc en fait, bon, il va lancer Détective et puis bon, au début ça va connaître un grand succès. Et il confiera les rênes du journal à son frère Georges. Bon là, ça partira en quenouille. Un petit peu. Hein. Oui, mais... il y a un petit peu aussi de l'argent qui disparaît, et c'est pour ça que Gaston Gallimard va être assez mécontent de Kessel, parce qu'il y avait visiblement des factures qui étaient des fausses factures, enfin ce genre de choses. Oui, oui, mais il a fait des tours pendables, hein, Gaston Gallimard, hein, quand il a écrit par exemple Belle de Jour. qui est sorti en 1928. Donc, Belle de jour, on connaît l'histoire, hein, l'histoire de cette femme, Séverine, une grande bourgeoise mariée à un chirurgien, qui aime son mari, mais physiquement, ça, elle a besoin d'autre chose, et donc elle se prostitue de 5 à 7 dans la maison de Madame Anaïs. Alors, y a-t-il eu reportage? En fait, il était auprès de Sandy Kessel et il dit à Gaston Gallimard, bon, et ça c'est Yves Courrière qui le raconte, est-ce que tu peux me mener l'enquête à ma place? Donc on a un éditeur comme Gaston Gallimard qui est obligé de se déplacer dans des maisons un petit peu closes. En montant les escaliers d'ailleurs, il peut croiser des gens qui en descendent et qui connaît aussi. C'est assez compliqué quoi comme personnage. Et ben, y a peu d'éditeurs qui accepteraient aujourd'hui de faire la même chose. Ça ne serait pas très, très, très bien vu. C'est un peu des histoires de garçons quand même, toujours. Ah bah, bien sûr, ce sont des histoires de garçons. Mais d'un autre côté, alors toujours Yves Courrier raconte que Gaston Gallimard avait dans une sacoche un nombre incalculable de lettres de femmes qui avaient écrit en disant « Mais comment vous avez su ?» C'est-à-dire que là, il se trouve que Kessel avait mis le doigt sur un point assez assez juste, des femmes qui étouffaient dans le mariage et qui avaient besoin de plus de choses. Alors malheureusement, les lettres ont disparu. On peut voir finalement Belle de jour, cette femme qui décide de se prostituer, comme aussi une libération pour cette femme-là, selon vous, ou est-ce que c'est impossible de le lire de cette manière? Non, bah une libération et puis en même temps une névrose, quelqu'un qui pense peut-être aussi à la devise dostoïevskienne, tout est permis. Rien n'interdit de penser qu'une grande bourgeoise mariée à un chirurgien se dise bah finalement tout est permis. Ça a été un scandale quand même, ce livre. Ça a été un scandale et beaucoup de critiques à l'époque ont dit mais qu'est-ce qui lui a pris d'écrire un truc pareil, quoi. On ne reconnaît pas le style, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire scandaleuse, à tel point qu'il a été obligé de refaire une préface en expliquant que, bah, entre la chair et l'esprit, il y avait quelquefois des points de jonction qui étaient difficiles à cerner, et il a jamais regretté de l'avoir écrit, hein, bien sûr, mais il essayait de justifier le fait que c'était un phénomène de société. Il m'arrive souvent de penser, quand je suis ou dans le désert ou dans un défilé sauvage afghan, ou par exemple l'année dernière en Assam, dans un canoë qui m'emportait le long d'un torrent en compagnie d'un vieux chasseur d'éléphants qui, par métier, avait tué plus de 200 animaux dangereux, et que je pensais aux séances du Quai Conti, j'étais, le mot amusé n'est pas juste, mais j'étais étonné moi-même par le contraste entre les deux situations et une aventure donnait plus de goût à l'autre. Et pourtant, l'Académie française s'est assez éloignée des bédouins du désert, Gilles Heuré. Le lion est rentré à la bergerie quand Kessel est entré à l'Académie française. Je fais ici une paraphrase de François Mauriac. Oui, bah c'était un candidat improbable. Alors, il a toujours dit que c'était des copains, lui, François Mauriac, qui lui avait dit, mais si, pose ta candidature. Donc, il pose sa candidature. Alors, il met des cravates. C'est dur de mettre une cravate? Pour lui, oui, quelquefois, sauf à partir des années 60, quand il va passer dans les émissions littéraires à la télévision. Il passera beaucoup à la télévision. Oui, absolument. C'était un bon client. Hein. D'ailleurs, on le voyait. Alors, il a son verre de whisky, il filme tout le temps. Il y a Pierre Azareff qui ne l'interrompt pas, qui lui pose des questions. Mais ça, c'était un bon client, hein, à la télévision. C'est un personnage qui a disparu. On ne pourrait plus être Joseph Kessel. Ce type de personnage-là. Ah bah en tout cas les modes de communication, si je puis dire, sont différents. On n'imagine pas Kessel tweeter 24 fois par jour, hein. Mais il y a encore des grands reporters, il y a encore des journalistes qui vont sur le terrain, il y a encore des gens qui prennent le temps de regarder. Alors quelquefois ça passe un peu inaperçu parce qu'effectivement on a les images spontanées, on a un flux d'informations qui fait que on n'a pas tellement de temps de s'arrêter ou de lire, mais bon, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a encore des journalistes que ça soit dans les grands reportages ou que ça soit dans des textes ou dans des chroniques qui ont une patte, hein. Bon, je pense à Philippe Lançon, par exemple, quand il fait une exposition sur deux pages dans Libération, et ben, on le reconnaît. Mm-hmm. Et donc, il y a encore des signatures. Kessel meurt en juillet 1979. Dans Libération, votre confrère Marc Cravette écrit alors « Kessel n'est pas mort, il s'est peut-être déguisé en mort pour un nouveau reportage. Le prochain, vous le lirez bientôt. Merci Jeff, on attend. » Il paraît aussi que Kessel, quand il est mort, a eu ces mots « c'est merveilleux ». Ça a été ses dernières paroles, vous y croyez? C'est une légende et c'était pour parler de quoi? Non. Il a regardé les informations, il voyait une image qui lui procurait de l'émotion. Oui, il était capable d'émerveillement. Bon, il regardait des spéléologues, oui, et il a dit c'est merveilleux. Capable de curiosité, capable d'émerveillement, c'est ça qu'il y a d'extraordinaire chez lui, oui. Merci beaucoup, Gilles Ray. Pour aller plus loin, on peut se procurer l'édition En Quarto Gallimard des reportages et romans de Kessel, dont vous avez assuré l'édition. Je rappelle que vous êtes également l'auteur de l'album Pléiade Kessel. Tout de suite, la chronique. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique qui nous est proposée aujourd'hui par vous, Anne Lafont, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes directrice d'études à l'EHESS et vous venez nous présenter un numéro spécial de la revue Critique intitulé « Art noir » dont vous êtes maîtresse d'œuvre. Qu'est-ce donc que l'art noir et quel sens mettez-vous dans le fait de mettre une majuscule à l'adjectif noir ? Il est vrai que cette coquetterie n'est pas très radiophonique. Nous avons discuté longuement avec Philippe Roger et Vincent Debène, qui est le co-directeur de ce numéro, de cette majuscule à noir. Et ils ont gentiment accepté de me suivre. Tout d'abord parce qu'à la lecture, elle tient sa place d'accroche, de dérangement typographique suscitant l'intérêt. Ensuite parce qu'elle répond à une nécessité un peu plus fondamentale, puisqu'il s'agissait de trouver une façon de traduire en français la notion de blackness que la recherche et la création anglophone emploient pour désigner l'articulation de l'identité et de la culture noire en Occident à l'histoire des mondes du continent africain. Or, la majuscule de l'adjectif oblige, me semble-t-il, à la généralisation et à la théorisation. Il faut donc entendre « art noir », donc avec une majuscule, comme une constellation d'œuvres, d'artistes et de critiques engagées dans le dévoilement d'un point de vue esthétique sur le monde, qui est lui-même informé par les expériences noires aux quatre coins du globe. À vrai dire, il s'agit plutôt du pourtour atlantique, dont l'histoire de la dispersion des populations africaines s'ancre non pas exclusivement, mais massivement et remarquablement dans l'histoire longue de la traite négrière. En effet, en quelques siècles, celle-ci a organisé le déplacement de plus de 10 millions de personnes de l'Afrique vers les Amériques. Nous avons donc voulu mettre au cœur du numéro l'art et l'histoire des mondes noirs. Aussi, nos auteurs se sont emparés de livres et d'expositions, de revues et de collections éditoriales, de livres d'artistes comme Fantaisie finale de Tarek Lakrissi, et enfin de films comme Système K et Faire part, tous deux sortis l'année dernière et tous deux consacrés à Kinshasa. Le numéro se conclut sur une magnifique pirouette de l'écrivain Lionel Manga qui rebondit sur le dernier essai d'Achille Mbembe intitulé « Brutalisme ». Alors pourquoi un tel numéro spécifiquement aujourd'hui ? C'est vrai que cette réalité du commerce de l'Afrique avec le monde ne date pas d'aujourd'hui, ni d'ailleurs d'hier. Et sur le plan culturel, elle est très ancienne et bien connue. Hein, que ce soit le blues ou le jazz ou encore la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba. Et dans le domaine littéraire, l'écrivain martiniquais René Maran, prix Goncourt en 1921, jusqu'à Senghor, Baldwin ou encore Maryse Condé. En revanche, les arts plastiques sont dans la lumière depuis moins longtemps, à l'exception de quelques comètes comme Wilfredo Lam ou encore Jean-Michel Basquiat, et surtout la question d'une contribution noire à l'histoire, et cette fois-ci avec un H majuscule, hein, par les images, les objets et les œuvres d'art, je crois que nous l'inaugurons. Dans le sens où nous portons aussi haut les mondes anciens, donc du Congo, du Bénin ou encore des Antilles, que les mondes contemporains, américains, africains et européens. D'ailleurs, c'est une des forces du numéro que de se saisir de l'art noir sur la longue durée. La seconde est sans doute de ne pas confondre les expériences noires, qui sont donc prises en charge par des univers esthétiques, avec une quelconque essence noire fondée sur une réalité phénotypique. Alors, est-ce que on peut dire que penser l'art noir, ça n'est pas faire exclusivement référence à l'art des Noirs? Est-ce que c'est ça que vous voulez nous dire? Oui, c'est tout à fait ça, précisément. Je crois qu'il n'y a pas de symétrie parfaite entre ce que nous désignons comme l'art noir ou la blackness et la couleur de la peau des artistes et des critiques. Nous pensons même que l'art noir a atteint ce point d'équilibre où sa particularité, son exceptionnalité, recouvre un ensemble d'expériences, de discours ou encore de créations qui ne sont plus seulement celles et ceux des Noirs. Bien d'autres groupes humains s'y retrouvent désormais comme chez eux ou en correspondance. Ce qui n'est pas sans lien, bien évidemment, avec l'histoire et l'expérience de la diaspora, qui de fait a noirci, si l'on peut dire, plusieurs parties du monde depuis 5 siècles au moins. Sous cet angle, ce numéro de critique est d'abord un témoin du foisonnement de l'actualité artistique, du débat sur les restitutions des œuvres d'art à l'Afrique, à l'exposition Le modèle noir du musée d'Orsay. Il fait aussi écho à la nouvelle chaire d'histoire africaine du Collège de France, occupée par François-Xavier Fauvel, qui nous a d'ailleurs accordé un entretien passionnant. Art noir est donc le témoin d'un moment et en même temps une proposition de faire exister un mouvement esthétique qui repose sur de nombreuses ramifications historiques, autant qu'il s'affirme comme une alchimie encore inédite, précisément une œuvre au noir, qui se déploiera du Congo à la région parisienne en passant par les États-Unis et la Caraïbe. Merci beaucoup Anne Lafont. A signalé aussi la séance de présentation de ce numéro au Quai Branly à Paris. C'est tous les troisièmes jeudis du mois d'automne, premier rendez-vous le 17 septembre, on vous y attend. C'était la Compagnie des œuvres, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet, Jérémy Kaufmann. Demain, avec Serge Linkès, nous ferons un tour dans l'œuvre de Kessel.